Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. Il est 16h. Votre journal, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour à tous. Une décision brutale, cruelle et écœurante. Charles Michel va droit au but concernant la situation chez Caterpillar. Le Premier ministre est en ce moment entendu devant les membres des commissions des affaires sociales et de l'économie de la Chambre. Le ministre de l'Emploi, Chris Peeters, est aussi présent. Le gouvernement fédéral veut apporter une riposte offensive à la multinationale. Alors bien sûr, en s'assurant que la loi Renault soit effectivement respectée, mais aussi en se préparant à une bataille juridique. Nous avons immédiatement lancé une procédure de marché public pour charger un cabinet d'avocats d'accompagner le gouvernement fédéral dans l'ensemble des étapes afin de regarder, pour être clair, si la responsabilité juridique, pour faute au sens juridique du terme dans le cas de Caterpillar, peut être engagée. Et nous souhaitons pied à pied, point par point, regarder s'il est possible juridiquement d'engager une responsabilité pour faute dans le chantier Caterpillar et si bien sûr je pense aux engagements qui avaient été conclus en 2013 dans le cadre d'un premier processus de rationalisation pour lequel des engagements juridiquement contraignants avaient été pris. Nous souhaitons, avec des avocats spécialisés, regarder si nous avons des moyens d'action que l'on peut activer pour être offensif et mettre Caterpillar face à ses responsabilités. Et je veux être clair, si c'est nécessaire et si c'est possible, nous envisagerons évidemment des procédures judiciaires contre Caterpillar, si c'est nécessaire et si c'est possible. Le Premier ministre Charles Michel, propos recueillis par Marie-Paul, jeune homme. Guy Verhofstadt négociera le Brexit. Il représentera le Parlement européen dans la négociation. Il a été désigné lors d'une conférence des présidents des partis européens. C'est le deuxième Belge qui rejoint l'équipe de négociation sur le Brexit. Il y a plusieurs semaines, déjà, on apprenait la nomination de Didier Hesse, qui négociera, lui, au nom du Conseil européen. Européen convaincu plusieurs fois, candidat même à la présidence de la Commission européenne, Guy Verhofstadt s'en était vu barrer la route, en 2004 notamment, alors qu'il était encore Premier ministre chez nous. Refus notamment en raison de l'opposition de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni. On lui reprochait à l'époque d'avoir pris position contre la guerre en Irak. Les Européens attendent toujours l'initiative du gouvernement britannique concernant le Brexit. Certains voudraient bien d'ailleurs qu'il se réalise le plus tôt possible. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, l'a gentiment glissé à Theresa May lors d'une rencontre à Londres. L'aide au développement, celle que l'on consacre aux pays en voie de développement, ne cesse de diminuer. La raison, c'est qu'elle est l'une des victimes des coupes budgétaires du gouvernement belge. Notre pays s'était engagé à ce que cette aide atteigne 0,7% du RNB, c'est le revenu national brut. Or, elle tourne autour de 0,42% aujourd'hui. Et si l'on y regarde de plus près, une partie de cette enveloppe est-elle destinée à l'accueil des demandeurs d'asile chez nous, en Belgique? Écoutez Nicolas Van Nuffel, c'est le responsable du plaidoyer politique au CNCD 11-11-11. C'est la coupole qui regroupe les ONG belges. Il s'agit d'artifices comptables qui sont utilisés par les pays donateurs, qui consistent à comptabiliser une partie de l'argent qu'on consacre chez nous à accueillir les demandeurs d'asile comme si c'était de l'aide au développement. C'est évidemment indispensable d'accueillir les demandeurs d'asile chez nous, mais c'est pas de l'aide au développement, c'est pas de l'argent qui part dans les pays d'origine pour que justement les gens puissent vivre dignement et ne pas être forcés à migrer. Et il faut savoir que, en effet, en 2015, la Belgique a consacré dans le budget total de l'aide au développement plus d'argent à FEDASIL, l'agence d'accueil ici en Belgique, que à la totalité des pays partenaires de la coopération belge, le Congo, le Burundi, etc. Nicolas Van Nuffel, interrogé par Aline Wavreil. Salah Abdeslam a gardé le silence lors de son audition par un juge d'instruction ce matin à Paris. Il se mure toujours dans son silence, comme il le fait depuis son transfert de la prison de Bruges. Ce droit lui appartient et il n'est pas contestable, précise son avocat. On a bon espoir qu'un jour ou l'autre, Salah Abdeslam réponde aux questions du juge, dit-il, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Toujours selon Franck Berton, un autre rendez-vous sera certainement fixé par le juge d'instruction. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Hello Walid. Hello. Hello tout le monde. Hello. Hello Pierre-Yves. Hello Pierre-Yves. Yeah. Hello Pierre-Yves. Yeah. On se retrouve tout à l'heure à 16h30. À tout à l'heure. Merci. Bon, en anglais à tout à l'heure. No. Ah. En irlandais. En irlandais, allez-y. Attends, straks. Attends, bien en courte. Allez, rendez-vous tout à l'heure pour l'information à 16h30. D'ici là, merci à vous d'être presque sérieux. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Le service public vient en aide aux enfants pour les mettre dans le bain tout de suite. Je leur ai proposé de répondre à une question de philosophie presque simple. Pouvons-nous toujours justifier nos croyances ? Oui, peut-être, parce que quand on croit à quelque chose, ben, on essaye que nos croyances, et ben, on se dit, ben, les croyances, et alors on dit... Pour devenir saint, il faut, mais il suffit d'avoir accompli au moins deux miracles, au moins. Eh ben voilà, pourquoi se fatiguer pour rien? Si deux suffisent, deux suffisent. En 1976, le premier dirigeant nord-coréen Kim Il-sung, grand-père de l'actuel Kim Jong-un, se rend en Suède en voyage et le grand leader rencontre le président de Volvo et lui achète 1000 voitures. Elles seront livrées en Corée du Nord. Volvo envoie la facture, mais Kim Il-sung ne paye pas. J'ai vu que les voitures du régime sont des Mercedes, qu'ils ont payé cash parce que justement Mercedes avait entendu. C'est véridique. Alors au sujet de l'affaire, j'entends déjà les plus populistes ironiser. Pour une fois qu'un homme politique branle quelque chose, faut que ce soit dans un castorama. C'est donc au policier qu'il a avoué son besoin de se masturber en situation de stress. Est-ce que vous imaginez l'interrogatoire de police? Parce qu'on est d'accord, un interrogatoire aussi, c'est stressant, non? Vous n'avez pas lu cette info qui parle si. donc de voitures? Vous l'avez sur le bout de la langue. Si je vous dis Marcinelle. Ah, il revend des voitures volées. Vous savez ce qui me dérange dans votre info? C'est le A. C'est pourtant l'info derrière. Bon, alors, Ajar, première question que vous allez poser à nos chroniqueurs. Faites-vous plaisir. Wouhou. Alors, non. Sans le wouhou. Alors, les USA ont fait quelque chose de particulier avec l'alcool. Et cela durant quelques années. De quoi s'agit-il? Non, mais c'est ça. Ah, il l'a empoisonné à un moment. Ah oui, il l'a empoisonné, Vincent Dupuissier, effectivement. Pourquoi, Jarry, il l'a empoisonné? Parce que pendant la prohibition, le gouvernement américain empoisonnait l'alcool. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. La presse nous apprend que ce sont finalement les Français qui ont remporté le championnat du monde de cache-cache. Et sur le podium, un certain Jérôme Cahuzac qui joue désormais à Crash Crash, le morceau, hein, ce qui devrait d'ailleurs le faire rapidement passer de petit cachotier à petit cachoté. Faire tomber en tout cas les masques de l'actualité et de ceux qui la font, c'est le jeu auquel il vous invite à jouer pendant près d'1h30. Sur la première, ce sont vos chroniqueurs du jour presque sérieux. C'est le champion absolu d'ailleurs de couche-couche papier, notre élucubrateur précoce, Corentin Candy. Bonjour. Chers amis, bonsoir. depuis hier, ça y est. C'est en fait quand on n'a pas super. Enfin, c'est mieux de faire rire avant parfois. Voilà. Il est toujours un peu en vacances. C'est bien. On aime bien. Tiens, lui, il se cache à l'eau hein, pour éviter de se cacher à autre chose. C'est Edgar Schotz, bonjour. Bonjour, si je suis là, c'est uniquement parce que Michel Rocard m'a demandé de venir. C'est gentil. Tiens, derrière sa grosse barbe se cache une bonne gâchette, celle de Manu Di Pietro. Bonjour Manu. Bonjour Dite. Il sort lui de sa cachette justement pour rejoindre l'équipe, c'est Luc Tambeur. Bonjour Luc. Bonjour Walid. C'est bien parce que ce bonjour Walid, tout le monde, ses amis l'ont entendu. Ouais. Non, il n'a pas encore eu le temps de les prévenir. Ah oui, il n'a pas encore eu le temps de les prévenir, c'est vrai. Et puis, vous l'avez entendu, certains voudraient le faire entrer au Guinness Book en prétendant que ça fait plus de 35 ans qu'il est planqué, c'est Raoul Reyers. Bonjour. Mais bonjour, c'est une légende. Hein. C'est un ancien directeur qui s'est fait passer pour planquer. C'est vrai. Alors que quelque part, il faut savoir une chose, Raoul Reyers arrive à 8h30. Ouais, il repart à 19h. Oui, donc 18h30. C'est vrai, et vous n'arrêtez pas de travailler. Mais il est à l'antenne tous les jours depuis des années, il ne peut pas se planquer. Ouais. Planquer en pleine lumière, peut-être. C'est ça. Ouais, voilà. Ça va ? On peut y aller parce que le planquer lumineux. À 18h, moi, je suis. C'est pour ça qu'on l'aime, le Raoul Reyer. C'est bien. Oh, tiens, eux, ils sont bien tranquilles dans leur cage d'invisibilité. Carole Baquet qui a préparé cette émission et Laurent Nellissen qui réalise cette émission presque sérieuse pour vos petites oreilles. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en rayons. Bienvenue sur la première. C'est presque sérieux. Sur la première. On s'intéressera à la venue du Dalaï Lama en Belgique, du schisme gauche-droite avec Corentin Candy, autant vous préparer. On va parler également du possible rachat d'Etias par Belfius avec Edgar Schotz et puis Manu Di Pietro. Vous reviendrez sur ces fameuses chroniques perdues d'Éric Zemmour. En attendant, il y a également des cadeaux. Nous proposons de venir jouer avec nous, non pas au Qui a dit aujourd'hui, mais à Caddy Macron. Caddy Emmanuel Macron. Ah, on vous fera des propositions aujourd'hui dans la presse. Emmanuel Macron a fait une petite sortie, une phrase eh bien, qui se trouvera dans la bouche de l'un de nos chroniqueurs. Mm-hmm. Inscrivez-vous, CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous offre aujourd'hui Time's Up. C'est depuis 10 ans que ce jeu s'est imposé comme le jeu d'ambiance par excellence. Un jeu aux éditions Repos Prod qui ressort. Donc n'hésitez pas à vous inscrire CPS au 6031, nom, prénom et adresse, 75 centimes le message. On jouera donc tout à l'heure au caddie Emmanuel Macron. Vous avez déjà la personne qui l'a dit. Il faudra donc trouver la fameuse phrase. Repos Prod, c'est pas la boîte de production de Raoul? Non, c'est de... Hey, c'est vrai, Raoul. Écoutez, il faut bien que j'arrondisse mes fins. Bon, en attendant... Tiens, Flibustier, il est en prison. Alors. Mais écoutez, il nous a appelé tout à l'heure pour nous dire qu'il déménageait, que donc il ne savait pas être là. Vu sa coupe de cheveux de la semaine passée. Ouais, donc à mon avis... Il déménage avant d'être en prison. Oui, il déménage en prison. C'est pour qu'on ne lui saisisse pas ses meubles, en fait. À mon avis, ça doit être ça. En attendant, la une du jour, c'est parti. Et je vous propose de jouer à un nouveau jeu. Je vous donne directement les réponses. À vous de formuler la question. Enfin, nouveau jeu, c'est presque Jeopardy. Oui. Donc, je vous donne des réponses à des questions que vous allez devoir me donner. Questions que j'attends forcément avec la formulation exacte. Des réponses en lien directement avec l'actu du jour. Si je vous dis en réponse néerlandophone, est-ce que vous avez lu une info qui parle de néerlandophone? Raoul Reyes. Ce ne sont pas les réfugiés qui demandent le plus l'asile en Wallonie? Non, non, non. C'est pas ça, non. Ça pourrait. Ça viendra. Ça pourrait aussi. Il y en a beaucoup. Luc Tamber. En signe d'apaisement dans les communes à facilité, c'est la partie de la population qui devra à présent demander sa convocation électorale dans sa langue maternelle. Néerlandophone, non, non, ce n'est pas ça. Qui est plus riche que Walid? Ah, ça peut être. Mais peut-être. Pas tous. Les néerlandophones, ça pourrait. Ça, oui, peut-être. C'est une question de population? C'est une question de population. Qu'est-ce qu'il y a de moins en moins à Bruxelles? Alors, c'est pas des néerlandophones, mais on va parler, non pas de population, mais si on dit néerlandophone, vous pensez tout de suite à la... langue. Ah bah oui, bah c'est la langue. Que trouve-t-on de moins en moins à Bruxelles? Eh bien, c'est un recensement linguistique qui nous l'apprend. Et il faut savoir d'ailleurs que les recensements linguistiques sont abolis en Belgique depuis la loi du 24 juin 1961. Et donc, on apprend qu'aujourd'hui, eh bien, il y a de moins en moins de néerlandophones à Bruxelles. Une façon donc de sonder cet usage des langues à Bruxelles et d'analyser la langue dans laquelle sont envoyés les avertissements extraits drôles aux personnes domiciliées dans les 19 communes. Et selon les chiffres qui viennent donc de tomber et d'être communiqués par le ministre des Finances Johan Van Overtveld, eh bien plus de 93% des déclarations d'impôts se font en français à Bruxelles. Ah ouais. Il reste juste le théâtre flamand. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc il reste dernier bastion. 7% de courriers en néerlandais. Si je vous donne une réponse, que voici leur propre unité antiterroriste. Quelle est la question qui se cache derrière cette réponse? Leur propre unité antiterroriste. Qu'ont décidé de créer les différentes radios de la RTBF. Leur propre unité antiterroriste. Non, mais on se rapproche. De quoi seront dotés les prochains Burger King? Non. C'est pas la police des frontières qui va justement arrêter sa propre unité antiterroriste pour manque d'effectifs? Non, ce n'est pas ça, Raoul. Non, non. Leur propre unité antiterroriste. De quoi vont être dotées les centrales nucléaires toutes pourries? Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas le tout pourri derrière, mais... Mais effectivement, de quoi seront bientôt dotées en tout cas nos centrales nucléaires, Luc? Ou de quoi vont être dotées pour le prochain carnaval les Gilles de Binche? Oui, mais là j'avais déjà dit que c'était la bonne réponse. Donc, n'insistez pas. Effectivement, les installations nucléaires belges sont surveillées depuis plusieurs mois par 140 militaires et pour les remplacer, le gouvernement a décidé de mettre sur pied une unité spéciale composée d'agents de la police fédérale spécialement entraînés pour intervenir en cas d'attaque. Une unité antiterroriste qui devrait être prête l'année prochaine. Ça laisse encore en fait, mois ce sont pour, les mêmes hein, que costume fluo. Quoi. C'est exactement ça. Si je vous dis la Bolivie en réponse, est-ce que vous avez lu une info en rapport avec la Bolivie? La Bolivie. Où va déménager Vincent Flibustier? La Bolivie, non. Il paraît qu'il s'entraîne déjà à parler l'allemand. Alors, où trouve-t-on le meilleur stimulant préféré de Raoul? En Bolivie, non. Non, la Bolivie. Quel pays va être le premier du monde à légaliser la cocaïne pour enfants? La Bolivie. Ils en font beaucoup, il paraît. C'est pas le pays qui va délivrer des nouvelles cartes d'identité aux transsexuels? Oui, c'est ça. Les cartes d'identité, en tout cas, quel pays va délivrer de nouvelles cartes d'identité pour transsexuels et transgenres? Eh bien, c'est la Bolivie. Une loi entrée en vigueur le 1er août dernier qui autorise donc les transsexuels ayant donc changé de sexe par une opération et les transgenres n'ayant pas effectué d'opération, eh bien, à changer d'identité auprès de l'État civil selon les collectif gay. Dans un premier temps, environ 5000 personnes en Bolivie devraient profiter de cette nouvelle disposition légale. Vous connaissez Victor Valenzuela? Très très mal. Eh bien, il fait partie des premiers à avoir obtenu une carte d'identité au nom de Pamela Geraldine Valenzuela. Voilà, comme ça vous comme savez. Quoi, nous qui cherchons les chroniqueuses, ah ben voilà, changer Pamela. De sexe mais pas avoir bon goût. Tiens, nouvelle question, Jean-Claude Juncker. Ah, vaste sujet. Alors, c'est Jean-Claude, une question, c'est une réponse. Jean-Claude Juncker. C'est pas celui qui a dit que l'augmentation des accises sur l'alcool était une arme psychologique. Il l'a dit aussi, hein, mais non, c'est pas dans la presse du jour. Jean-Claude Juncker. Qui s'est entretenu avec tous les dirigeants de l'univers intersidéral récemment. Jean-Claude Juncker. Non. Non. Non, non, non. Qui a battu le record du monde de taux d'alcoolémie sans perdre son boulot. Jean-Claude Juncker. Non. Pourtant il se bat. Je sais pas moi quel homme politique européen qui boit plus que moi a proposé une task force européenne à Paul Magnette. Par exemple. Paul Magnette, task force, c'est dedans, mais on parle pas de vous dans la presse. Soyez pas si mégalos. Attendez, Luc Tambor a un train de retard, il va en proposer une autre. Allez-y. En fin de repas, après un Irish coffee, une grappa, une liqueur, prune poire, un amaretto, qui a repris un martini blanc en apéro parce que l'heure du repas suivant approchait. Non, c'est pas Jean-Claude Juncker, mais effectivement, on parle c'est de task force. Celui qui embrasse sur la bouche les autres parlementaires européens. Jean-Claude Juncker, il est même aussi capable de dire à n'importe quel président ou premier ministre que sa cravate est pas belle. Ce mec est complètement barré. Bref, effectivement, la première réponse concrète de l'Europe à l'annonce de la fermeture du site de Caterpillar à Gosselies, c'est la création d'une task force qui va rassembler les interlocuteurs européens pour apporter des réponses rapides, coordonnées et efficaces aux questions que pose le dossier. C'est une des conclusions de la rencontre en début de soirée du ministre-président Paul Magnette avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le commissaire à l'emploi, la Belge Marianne Thyssen et le vice-président Jyrki Katainen. C'est de la langue de bois de haut niveau. Là. Ah c'est du tech massif. Non, c'est la gueule de bois de Juncker. C'est après. De l'humour capitaliste. Allez, une dernière question avec un spot radio. Dernière réponse, avec un spot radio. Ah, je sais. C'est pas comment le désodorisant Vipou arrive à dégoûter les gens pendant qu'ils mangent en regardant la télé. Avec un spot radio? Non, c'est pas ça. Non, non, non. Comment Eric de Stark est-il devenu aussi riche? Avec un spot radio, non. C'est vrai qu'il y en a qu'un seul qui tourne. Hein. Avec un spot radio, non. Comment Charles Michel compte-t-il sauver Caterpillar? Avec un spot radio, je vous ai compris. Non, c'est pas ça. Non. Enfin, c'était pas Gaïa qui a énervé quelques agriculteurs? Effectivement, de quelle manière Gaïa a-t-elle fait polémique auprès des agriculteurs? Corentin Candy, la Fédération Wallonne de l'agriculture n'a pas du tout apprécié le cours de rapport de rattrapage en langue proposé par Gaïa, la pub que voici, écoutez. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Malheureusement, beaucoup trop d'éleveurs ne le comprennent toujours pas. Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur Gaïa.be. Alors on avait déjà dur avec le néerlandais, si on a commencé à se pencher sur la langue porcine. Ça il roule les R un peu de la même façon. Ça se ressemble un peu. Ah, clairement. Bon, au Venezuela, ça pose moins de problèmes. Bon, dans la suite, il va rouler des mécaniques. Luc Tambor pour nous présenter sa chronique autour du Dalai Lama. Une première, il n'est pas zen. Il n'est pas zen. Ah, ça va décompresser un peu, Luc Tambor. Oui, vous êtes à la maison, là. Ça fait quand même 6 mois que vous venez ici. Bonjour. Voilà, il va falloir se lancer, il va falloir se jeter à l'eau. Il va falloir partir. Et vous vous inscrivez également pour jouer avec nous au Caddie Emmanuel Macron. On vous fera, bien entendu, des propositions. Vous repartez avec le jeu Time's Up. CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. On parle donc du Dalai Lama tout de suite dans C'est Presque Sérieux. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, dis-toi que ça aurait pu être pire. Si tu trouves que ça n'aurait pas pu être pire, dis-toi qu'il y a toujours pire. Et bon, s'il n'y a vraiment pas pire, alors va plutôt boire un verre avec les copains, parce que là, je suis un peu à court d'arguments pour t'aider. C'est Presque Sérieux sur la première. Avec Walid. Vous êtes indépendant et comme tous les indépendants, vous êtes le premier debout et le dernier à fermer la boutique. Vous courez contre la montre et après les clients, vous êtes au four et au moulin. Vous ne demandez pas qu'on vous plaigne, non. Tout ce que vous demandez, c'est que vos partenaires soient aussi pros que vous. C'est pour ça que vous a créé les packs pro. Une gamme qui vous garantit une foule d'avantages pour faciliter la vie des indépendants. En ce moment, à l'achat d'un pack pro, recevez un super laptop Acer d'une valeur de 479€. L'outil idéal pour profiter de l'internet ultra rapide de vous. Plus d'infos sur vousbusiness.be ou au 0800 43 303. Offre soumise à condition. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 acheté, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante ? Ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. Retrouvez la vie économique sur la première chaque jour du lundi au samedi. L'économie nationale, internationale et la bourse, décryptées par les spécialistes. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. La première. Mobile Info. Et à 16h, presque 21, vous profitez peut-être du soleil et dans les embouteillages. Pierre Collard-Bovy, bonjour. Moi j'ai l'air cool ici, tout va bien. Vous avez l'air cool et vous avez l'air cool aussi surtout. Oui, d'accord. Allez. Bien, alors d'un ralentissement dans le chantier qui devient légendaire, le chantier de Cherat sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle. Vers Bruxelles, quelques ralentissements à partir de Barchon. Vers l'Allemagne, c'est entre Votem et Cherat que vous perdez 45 minutes, ce qui n'est pas drôle du tout. Des travaux aussi vous ralentissent sur le 411 Namur-Arlon, hauteur de Abbé. C'est en direction d'Arlon que ça se passe, et là vous perdez une vingtaine de minutes réparties sur 8 km. Ralentissement du tunnel botanique au tunnel Rogier vers la Basilique, on revient à Bruxelles bien évidemment, plus 18 minutes pour le trajet, on parle du ring maintenant extérieur Zaventem Grand Bigard, donc plus 18 minutes, plus 13 pour l'intérieur Zaventem Carrefour et Léonard, et plus 11 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Vous perdez encore 30 minutes également à la frontière vers la France sur le 17 Gand-Lille, il défile à partir de Halbeek, donc 30 minutes perdues, et puis un contrôle de vitesse sur le 40 Bruxelles-Liège entre Berlot et Crisnay en direction de Liège. Et à l'instant même, on me signale un accident sur le 40 Gand-Ostende à hauteur de Nevele. La bande de droite est neutralisée. Il y a formation de file en direction de la côte. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. C'est sa première. Sur la première, il n'est pas année pourtant, il a choisi de nous parler de la visite du Dalai Lama dans notre beau pays, Luc Tambeur. Tambeur. Oui, Walid. Le Dalai Lama sera de passage chez nous en Belgique, à Bruxelles, demain, vendredi, samedi et dimanche. 3 jours de conférences et de débats aux Beaux-Arts et au Palais 12 du Hesel. À Péridéisa, on avait déjà les pandas. Et bien, pendant 3 jours, à Bruxelles, on aura un lama. Et c'est archi-complet, bourré à craquer comme un concert de Muse. Et pourtant, les prix d'entrée n'étaient pas donnés. 50 euros pour les étudiants et les ouvriers de Caterpillar. Ouais. Ça va. 490 euros pour vous et moi. Ah oui, quand même. Comparez un peu. Hein, la dernière fois que vous. La dernière fois que Johnny Hallyday est venu à Bruxelles, il a fallu brader les places pour remplir le Palais 12. Et avec le Dalai Lama, c'est archi complet. Et il paraît que même Johnny Hallyday va se déguiser en Dalai Lama maintenant pour faire ses concerts. Et enfin... Accrochez-vous, 1500 euros en billets amis individuels pour les dirigeants d'AXA Assurance Belgique, par exemple. Ouais, ça peut être sympa, ça. Le billet amis individuel. Tiens, d'ailleurs, si vous aussi, j'ai une petite annonce, vous voulez devenir mon ami individuel, eh bien, moi, je vous fais 10% sur les 1500 euros. Je sais, on ne se connaît pas encore bien, mais mes coordonnées sont sur Internet, vous trouverez facilement. Non, mais allez, quoi, 1500 euros, mais pour ce prix-là, vous allez voir, je ne sais pas, moi, vous allez voir 3 fois Adèle à Londres. Mmh. Sans doute, oui. Vous allez voir 5 fois Céline Dion à Paris. Non. Si on me paye 1500 euros, je vais chercher. Vous allez voir 30 fois Christophe Maé à Forêt Nationale. Encore moins. Devenez vulgaire. Ou alors, vous allez voir 150 fois Marca à la Rotonde du Botanique. Ah oui. Tous les jours à la Rotonde. Bon, d'accord, les exemples étaient mal choisis, mais c'était une mise en perspective. Et puis, il fait quoi le Dalai Lama pour 1500 euros ? Il vole sur scène ? Il y aura du champagne, des petits fours, du foie gras ? Oh tiens, je pense à un truc. Jésus. Ah. Jésus. Oui. Je me dis qu'il est vraiment drôlement passé à côté de quelque chose, non ? Imaginez, avant de marcher sur l'eau, il aurait clairement pu demander 100 euros debout sur la plage. Ouais, ouais. 300 euros à l'arrière en tribune. Et pourquoi pas 500 euros en bateau en place assise. Ouais. Et vous imaginez quand il coupait le pain ? Tiens, ceci est mon pain, ceci est mon corps. Donne-moi 5 euros. Et le vin, il paraît qu'il a tapé dans les prix. Hein. C'est ouais, comme les restaurants, il se rattrape plus juste le vin. Avec, sans la TVA en plus. Il n'y avait pas la caisse noire. Le vin, parlons-en. Oui, je veux bien encore changer l'eau en vin. Mais ce coup-ci, ce sera 4 euros le verre, 18 euros la bouteille et 75 euros le cubi de 5 litres. Le fromage est offert. Et si tu veux pêcher du poisson, mon ami, pour 100 euros, je te dis où jeter les filets. Pour 150 euros, tu les pêcheras directement sans arrêt. Et allez, pour 200 euros, ils sortiront de l'eau directement en papillote. Tout de rouge vêtu et d'orange. Oui, alors les bouddhistes, c'est important, ont banni définitivement le vert. Vert, orange, rouge, ça faisait un peu trop feu rouge. Hein. Ouais. Le Dalai Lama, sosie non officielle de Casimir, attend donc au Palais 12 du Hesel tout ce que la Belgique compte comme ami des rires et des chants. Car dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Mmh. Si vous y allez, faites attention à ne pas vous tromper de palais. En effet, au Palais 5 se tient toujours l'exposition Harry Potter. Donc ne confondez pas le magicien et les souvenirs made in China, c'est au Palais 5. La compassion, c'est au Palais 12. Suivez bien les flèches. Dernière chose, enfin, un bruit de couloir circule pour accueillir son hôte tibétain, notre Premier ministre. Charles Michel va soigneusement se raser la barbe, enlever ses lunettes et se draper de tissu chatoyant. Vous visualisez la scène ? Ouais. Le Dalai Lama va se retrouver nez à nez face à la plus troublante des réincarnations du Bouddha, le Bouddha Michel. Bouddha Michel qui ne manquera pas d'offrir à ce dernier deux bandes dessinées bien belges. Tout d'abord, Tintin au Tibet et l'intégrale de Ricochet signée par... Tibet, eh oui. Évidemment. De feu beaux Tibet. Cadeaux. Et en repartant en Inde, il ne faudrait pas que le Bouddha boude. Ah, hey, Luc Tambeur, tiens, en parlant de Bouddha... Mais le Bouddha Michel, ça existe, non ? Il n'y a pas le Bouddha Michel ? Oui, certainement. Chez le boucher. Tiens, vous allez pouvoir retrouver une interview exclusive du Dalai Lama dans 7 à la Une avec François Mazure. François Mazure qui a eu la chance de le rencontrer, je l'ai croisé dans le couloir, il m'a dit c'est une de mes plus belles rencontres. Et il lui a touché le visage, comme ça, il lui a touché la barbe, parce qu'il faut savoir qu'il est fan de poils, il me disait le Dalai Lama. Donc, non mais je vous promets. Et de montres. Aussi. Non, c'est vrai. Ouais, mais c'est un spécialiste de l'horlogerie. Ouais, bah... Il a une Rolex, hein, ouais. Ça c'est vrai. Ouais, bah... Il les démonte et il les remonte. Ouais, on comprend mieux le prix de l'entrée alors. Non, c'est bon. Raoul Reyer, c'est parti. Hey, Raoul, ça fait du bien. Petite insolite, Raoul. Allez, une petite insolite. Oui, une petite insolite. Allez, vite fait, bien fait, une petite insolite. Pour pêcher plus vite, il verse de la javel dans la rivière. Pas mal ça. Et les truites sont mortes tout de suite, évidemment. Et au gendarme, il a dit qu'il voulait faire décolorer son pantalon dans l'eau de la rivière. C'est bien ça. Ah, une grosse arnaque. Ah, mais c'est une technique de pêche. Il est quand même en tôle, je crois. Bah écoutez. Parce qu'il a quand même pollué toute une rivière qui passe à Angoulême. Eh ben, dis donc. C'est pas très sympa. Tout ça pour des truites, hein. Franchement. Merci à Raoul pour ce petit titre. Je vous en prie, on est déjà en retard. Eh ben non, on va rattraper le retard facilement. Mais on vous retrouve tout à l'heure pour une étude, Raoul. Ah, si vous voulez. Ah, une petite étude. Cherchez-moi une étude. En attendant, on s'intéresse à l'actu du jour avec bien Caddy, Emmanuel Macron. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous offre Time's Up, des propositions vous seront faites. On s'informe dans 2 minutes, ne bougez pas. Ça se passe sur la première. Vous aimez lire et aimeriez donner un coup de pouce à un jeune auteur ? Faites partie du jury du prix Première 2017. Pour vous inscrire, rendez-vous sur lapremière.be. Ou envoyez-nous votre candidature et lettre de motivation avant le 11 novembre. À la RTBF, prix Première, boîte BRR 020, 52 boulevard ER 5044 Bruxelles. Ou par courriel à prixpremière@rtbf.be. Avec la Foire du Livre de Bruxelles. Vous cherchez le titre d'une chanson diffusée à l'antenne ? Rendez-vous sur lapremière.be. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Ouais, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! Wouh ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. La Première présente Chacun sa place de Véronique Gallo au TTO à partir du 7 septembre. Alors, c'est l'histoire, très drôle évidemment, de deux sœurs et d'un frère qui organisent pour les 60 ans. Enfin, ne riez pas, vous n'avez encore rien vu. www.ttotheatre.be 02 510 0 510 avec le soir. En télé sur la Une, 11 septembre 2001, les Américains découvrent Oussama Ben Laden. Tout le monde s'est rendu compte à ce moment-là que Al-Qaïda, c'était pas uniquement un petit groupuscule terroriste, mais que c'était capable de faire des attentats de très grande ampleur. 15 ans de terreur, une enquête sur l'histoire récente du terrorisme, ce jeudi soir sur la Une. Un problème, Camille ? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Pendant les foires au vin, que recherchez-vous ? Des bons prix ou des bons vins ? Chez Intermarché, on vous propose les deux. Comme ce blé Côte de Bordeaux Château-les-Charmy Vieille Vigne 2015 en 4 plus 2 gratis, soit seulement 3,99€ la bouteille. À découvrir absolument, parole d'expert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La Première présente Art on Paper, du 8 au 11 septembre. Le salon du dessin contemporain en collaboration avec Beaux-Arts. Situé au cœur de Bruxelles, le salon réunit 25 galeries belges et internationales, 25 solo shows d'artistes contemporains et une nocturne avec des performances dessinées live le samedi 10. Art on Paper. Plus d'infos sur artonpaper.be. La Première. 16h31. On s'informe avec Pierre-Yves Meugens. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Si c'est nécessaire, nous engageons les poursuites contre Caterpillar. Les mots de Charles Michel, le Premier ministre et son ministre de l'Emploi sont questionnés en commission à la Chambre. Le gouvernement fédéral va s'entourer d'experts pour examiner s'il faut ou pas. Charles Michel a eu des mots très durs pour commenter la décision de Caterpillar et il se dit prêt, je cite, à combattre pied à pied cette entreprise américaine aux côtés du gouvernement wallon et des travailleurs. Des contacts sont prévus la semaine prochaine. Le gouvernement wallon, de son côté, rencontrera aussi la direction américaine de Caterpillar. Des discussions sont également prévues aux États-Unis avec des diplomates belges. Et dans ce soir premier, on reviendra sur le dossier Caterpillar avec cette question. Est-ce un problème de coût du capital ? On en débattra avec Étienne de Calataille, économiste, et Arnaud Zaccari, secrétaire général du CNCD 11-11-11. Le silence toujours de Salah Abdeslam, le suspect clé des attentats de Paris, a comparu ce matin, à Paris. Il refuse toujours de parler au juge. Ce droit lui appartient, précise son avocat, il n'est pas contestable. Nouveau rôle pour le Belge Guy Verhofstadt, l'ex-premier ministre passé au Parlement européen. Il est désigné pour mener, au nom du Parlement européen, les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Merci Pierre-Yves, ça va être beau, hein, déjà qu'on avait entendu Verhofstadt parler anglais, ça va être bien quand il avait parlé à Tsipras. Vous vous souvenez tous de cette image, hein? Quand il avait interloqué Tsipras en anglais. Interpellé, mais en anglais, je veux dire. Oui. C'était beau. J'imagine, Verhofstadt parle anglais, comme ça, ça me fascine. En attendant, on se retrouve, en tout cas, l'info revient tout à l'heure à 10h. Moi, tout me fascine, vous savez. Hein. Allez, on est presque sérieux et on joue avec Sébastien. C'est parti. C'est presque sérieux. Sur la Première, 16h-17h30, avec Walid. Direction Quin, près de Tournai, avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Walid, bonjour toute l'équipe. Vous êtes dessinateur-projecteur. Non, projeteur. Ah, projeteur, expliquez-moi. Avec un projecteur. C'est ça, avec un projecteur. Non, c'est... Travaille au cinéma. Non, c'est dessin assisté par ordinateur. Ah, dessin assisté par ordinateur. Ah, c'est pas mal ça. Donc vous venez près de Tournai, donc du côté de Quin, et nous allons vous proposer de jouer avec une phrase qu'aurait pu prononcer Emmanuel Macron. C'est à vous de déterminer parmi nos chroniqueurs qui a cette fameuse phrase dont la presse du monde entier s'est emparée. À vous de la déterminer. Qu'a dit Emmanuel Macron, Raoul Reyers? Ben, il a même chanté. Il est assez fun, hein, Macron, mais c'est de son côté un petit peu caché, quoi. Ouais. Hein. Et il a chanté « Mais qu'est-ce qu'on est serré dans cette campagne électorale ?» Ouais. Pas mal. Pas mal, hein. Chante qui? Chante quoi? C'est Sébastien, Patrick Sébastien. Hein. Chante les sardines. Chante les sardines, c'est possible. Ouais. Je ne suis pas très fan. Menteur. Mais qu'est-ce qu'on est serré dans cette campagne? D'accord, on va demander à Manu Di Pietro. À la question « Dis donc, mon gros, tu te présentes ou pas ?» posée par les journalistes, lors d'une visite dans une laiterie, Emmanuel Macron, sans doute inspiré par les vapeurs de lait, a dit « Je ne suis pas là pour beurrer les tartines ». Je ne suis pas là pour beurrer les tartines. Luc Tambeur. Interrogé sur le septennat de François Hollande, il a déclaré « Mon cœur saigne ». Oui, on sait par qui ça a été écrit. Ils volent vraiment tout le monde. Ah ouais. On va demander à Edgar Schotz. Ben, oui, on lui demandait un peu s'il avait un désir de France. Ce qui revient un peu à la question qu'évoquait Manu Di Pietro. Et il a répondu un peu énigmatiquement en disant « Comme Raoul Reyers, je n'ai rien contre les cougars ». Comme Raoul Reyers. Ça dépend lesquels. Comme Raoul Reyers, je n'ai rien contre les cougars. Les moins de 20 ans, vous. C'est vraiment votre trip, quoi. Et enfin, Corentin Candy, qu'a dit Emmanuel Macron ? Eh bien non, il a déclaré « Parmi les 12 apôtres et les jus de fruits, mon préféré a toujours été le jus d'ananas. » Non, c'est de l'humour. Très en forme. Il s'est emballé un public. Hey, pas mal. Bon, on va demander à Sébastien alors. Mais qu'est-ce qu'on essaierait dans cette campagne ? Je ne suis pas là pour beurrer les tartines. Je n'ai rien contre les cougars, comme Raoul Reyers. Ou ce que je préfère, c'est le jus d'ananas. Alors. Et j'aime bien beurrer les tartines, c'est une chanson de qui ça? C'est pas une chanson, c'est une phrase, c'est Tonton Flingueur. À force de beurrer des tartines, tu vas t'attirer de gros sandwichs. Gros sandwichs. Merci. Voilà. Merci. S'il vous plaît. Alors, Sébastien, après ce moment de chanson, donc. D'intermède musical. Sébastien, quelle phrase aurait pu prononcer Emmanuel Macron? Il y en a certaines qui se pourraient être pas mal. Lesquelles? J'ai pas mal Emmanuel Macron chanter. Oui, là, ça on enlève déjà, mais qu'est-ce qu'on essaierait dans cette campagne, d'accord? Je vois mal parler aussi des cougars. Et je pense pas qu'ils connaissent Raoul. Moi, il s'en tape une. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il nous en reste trois. Mon cœur saigne. Les jus d'ananas où je ne suis pas là pour beurrer les tartines. S'il aurait dit mon cœur saigne, j'aurais pris pour quelqu'un du PS. Ah, comme, ouais. Comme dit Groupeau, mais il est plutôt de droite que de gauche. Ouais. Oui, il l'a dit, il n'est pas socialiste. Donc, c'est pas non plus celle-là. Bonne déduction. Bon, il nous reste l'improbable jus d'ananas. C'est pas mal, hein. Oh, je ne suis pas là pour beurrer les tartines. Mais jus d'ananas, il me semble que c'est Jésus qui l'a dit. C'est pas une chanson de Carlos, ça. Jus d'ananas. Ah non, c'est... Vous allez avoir des problèmes, Raoul. C'est chanson à la carte, aujourd'hui. Bon, donc vous dites, je ne suis pas là pour beurrer les tartines. C'est ce qu'aurait pu dire Emmanuel Macron. Ouais. Et c'est bien ça, Sébastien, ouais. Effectivement. Ouais. Le patron, l'ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron, rencontrait des militants de son mouvement En Marche hier dans une ferme du Cantal. Et c'est là, après avoir tenté de traire une vache, sans trop y parvenir d'ailleurs, que l'éleveur lui a posé une question. Il lui a dit « Alors, présidentielle ou pas ?» Et c'est là, justement, qu'il aura repris cette phrase culte des tontons flingueurs de Georges Lautner. « Je ne suis pas là pour beurrer les tartines ». Voilà, c'est une belle expression. Je ne suis pas là pour beurrer. Ça reste un peu cryptique. Il faut décoder. Voilà. Il faut décoder. En tout cas, c'est gagné, Sébastien. Vous repartez avec Time's Up. On vous envoie ça très rapidement du côté de Quimper, près de Tournai. Continuez à faire des beaux dessins. Tiens, vous pouvez nous envoyer, vous qui faites des dessins sur ordinateur, un petit dessin fait. C'est pas de l'artistique. Hein. C'est des machines outils généralement. Ah ben envoyez-moi ça. Vous allez avoir un peu moins de travail dans les semaines qui viennent. En tout cas, on vous embrasse, Sébastien. Restez presque sérieux. Restez nous fidèles et surtout restez attentif puisque maintenant on s'intéresse au schisme gauche-droite, c'est vu et corrigé par Corentin Candy. À droite, on s'en fout d'être malheureux, l'important c'est d'être riche. À gauche, nous on s'en fout du fric, l'important c'est de rien foutre. Depuis des mois, la situation est très tendue entre l'opposition et les partis au gouvernement. Pour l'opposition de gauche, le gouvernement détricote les acquis sociaux, mais le gouvernement de droite répond le plus souvent « Je vous ai vu une fois dans une carriole tirée par un cheval. » Enfin, la carriole tirée par un cheval. Corentin Candy. Vous l'avez lu, je pensais que vous ne le liriez pas. J'ai parié sur le fait que vous ne le liriez pas avant. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai parié avec la personne avec qui vous avez parié, vous allez le faire pour récupérer l'argent. Vous bien joué, bien joué. Voilà. C'est bien joué. Alors voilà, que l'on soit de droite ou de gauche, on est hémiplégique, disait Raymond Aron. Mais si, Raymond Aron, l'un des participants des Paralympiques de Rio. Mais si on n'est ni de gauche, ni de droite, si on est au CDH, on ne peut pas participer aux Paralympiques. Il y a quand même des critères de sélection. Donc CDH et Stephen Hawkins, c'est mort. Alors j'ai regardé hier les Paralympiques, enfin j'ai regardé 5 minutes. On va pas se mentir, c'est très amusant. Oui, pardon, mais c'est marrant, 5 minutes, après on se lasse. Et puis moi j'ai regardé la course du 100 mètres hier à Rio. Mais j'avais pas toute ma soirée non plus. Bon, on n'a pas toujours que ça à foutre. Après 5 minutes à regarder le 100 mètres, j'ai pas eu de patience. Il y avait du suspense, c'est pas ça, mais j'avais envie de pas me coucher trop tard quand même. Alors je tiens à préciser que les Paralympics, c'est une énorme arnaque. Les athlètes roux surclassent véritablement toutes les compétitions. Oui, oui, bien loin devant les paralytiques, devant les kamikazes de Daesh sans queue ni tête. Même en tennis, c'est un demi-roux qui a gagné. C'est David Goffin qui a réussi à s'inscrire, même s'il n'est qu'à moitié roux. Mais bon, on l'a accepté quand même. Il s'en est sorti en fait en déclarant au COIV avoir voté pour le fils Mato lors des communales de 2012. Parce que franchement, la gauche, la droite. Olivier Chastel est un invité de Matin Première ce matin. On avait l'impression qu'il avait tout à coup envie de gauche, qu'il aurait préféré du côté des gentils après Caterpillar. Alors Mehdi lui a reproché sa politique de l'autruche. C'est quoi ça, la politique de l'autruche? C'est une politique qui court vite? C'est une politique qui fait des gros œufs? Parce que dans la politique de l'autruche, on ne baisse pas les bras. Dans la politique de l'Autriche, là, on tend le bras droit. Vous avez vu, c'est un jeu de mots avec autruche. Ouais. C'est difficile, ces questions de droite, de gauche. À gauche, on est gentil, on veut son propre bonheur et le malheur de tous les riches. À droite, on veut le malheur de tout le monde, à part soi. Alors, le seul endroit où les problèmes de gauche et de droite sont un petit peu apaisés, c'est Knok. Le seul endroit au monde où les femmes ne sont pas superficielles. À Knok, les femmes ne jugent pas sur le physique. À Knok, des filles magnifiques se promènent au bras de mecs gras, chauves, roses, tout décati. Vous avez déjà remarqué? Ouais. En pantalon, en fraises écrasées. Effectivement, en plus, vous voyez, ils ne jugent pas les goûts. Le Zout, pour moi, c'est une société utopique, où des gens de tous milieux refont le monde, des gens issus véritablement de tous les milieux, unis par un seul point commun, c'est l'amour des petits plaisirs simples, comme un verre de Pimm's à 18 euros. Alors avec la réforme des allocations familiales, dont le montant pourrait être réduit en fonction des revenus des parents, on voit qu'on s'en prend une nouvelle fois aux esclaves modernes, nos amis les riches. Lier le montant de l'allocation aux revenus, encore une mesure contre les pauvres riches. Ils n'auront bientôt plus que la peau sur les os, on leur tond véritablement la laine sur le dos. Donc les riches ne se reproduiront plus entre eux, ils ne pourront plus se reproduire entre eux, ça leur coûterait les yeux de la tête. On veut l'extinction des riches. Eh oui, s'ils veulent survivre, s'adapter, ils devront se reproduire avec des pauvres. Et qui va en profiter de ces nouvelles mesures sur les allocations? Eh ben les pauvres. Les pauvres qui, eux, c'est bien connu, font des trucs sur des matas de fortune comme des animaux, des bêtes de somme. Et pourquoi? Pourquoi ils font ça? Parce que c'est gratuit. Enfin, gratuit, c'est surtout gratuit si on est beau. Et comment vont faire ma femme et mes enfants si on les prive d'alloc? Mes enfants, mes amis, qui économisent patiemment depuis 5 ans pour me rembourser. Pour me rembourser l'accouchement qu'ils m'ont coûté. Eux et ma femme. Car ça coûte un bras, un accouchement. Surtout que chez moi, ma femme et mes enfants ont exigé une chambre privée pour ne pas être réveillés par les vachissements nocturnes d'une matrone qui défaille bruyamment de bonheur à l'idée de recueillir le fruit de sa reproduction en perdant les os comme une fille du peuple. Et puis hier, la série noire continue. On apprend que le patron d'Etias vient de se faire virer. De nouveau, ce fossé droite-gauche. Mais si, j'aurais, vous, le cœur saigne plus pour les milliers d'ouvriers de Caterpillar que pour le grand patron d'Etias. Vrai ou faux? Vrai. Et ben voilà. C'était un petit peu ma chute que j'ai fait. Elle doit être pas loin. Ah oui, mais voilà, elle était ici, ma chute. Mais oui, c'est quoi cet endroit où on pleure plus pour un banc de sardines qu'on décime que pour l'extinction de la dernière des grandes baleines à bosse? C'était en fait une image. Je crois que le grand patron d'Etias, c'était la grande baleine à bosse. Non, mais je vous explique. Bande sardine, c'était le voilà, c'était meilleur comme chute. Ah, bah zut. Ah, bah voilà, ah, bah voilà, bah voilà. Merci, Corentin Candy. De toute façon, on revient toujours aux sardines. Bah oui, clairement. En tout cas, merci pour cette chronique et ce clivage. Un plaisir. Schisme gauche, droite. On s'y retrouve un peu mieux maintenant. Ah, oui. On comprend mieux. C'est plus clair. Voilà. C'est plus clair. Dans la suite, on continue à s'intéresser d'un côté à l'histoire avec Laurent Dehaussay qui nous proposera une question avec la date du jour. Ce 8 septembre, et puis Edgar Schott, vous nous parlerez, vous de. Et Charles. Bah, c'est dans la suite, ne bougez pas, nous restons presque sérieux. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente, le deuxième Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott, Steve Barrow, Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Ixina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Ixina.be, c'est bien pensé. Voici les résultats semestriels de Belfius. 21 000 rêveurs qui ont fait construire ou rénover leur habitation. 5 927 starters qui ont lancé leur affaire. 22 800 familles aidées lors d'un sinistre. Les résultats de Belfius, c'est bien plus que 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Ce sont aussi des piscines publiques, des pistes cyclables, les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. La première étourdie site organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesite.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. La première. Mobile Info. 16h presque 45, Pierre Collard-Bovy, un point sur nos conditions de circulation. Que se passe-t-il sur nos routes ? Eh bien, toujours ces ralentissements à Cheratte, enfin, c'est autour de Cheratte dans le chantier. Sur le carreau de Bruxelles, ça s'appelle bien sûr 45 minutes perdues vers l'Allemagne entre Votem et Cheratte. Également des ralentissements à partir de Barchon vers Bruxelles. Des travaux ralentissent encore sur le 411 Namur-Arlon à hauteur de Abbé en direction d'Arlon. Vous perdez 30 minutes. En ce qui concerne le ring de Bruxelles, plus 18 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 18 également pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 12 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Accident sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Berthem, la bande de gauche est neutralisée en direction de Liège. Un accident sur le 40 Gand-Ostende à hauteur de Nevelleux, la bande droite est neutralisée et il y a des ralentissements en direction de la côte. Et puis des files à partir de Albeig sur le 17 Gand-Lille pour aller vers la France. Vous perdez une trentaine de minutes. On rappelle encore ce contrôle de vitesse sur le 40 Bruxelles-Liège entre Berlot et Christenay en direction de Liège. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça ? Hey, Houston, on a un problème ici. Question en rapport avec bien, ce jour, ce 8 septembre. Vous êtes un petit peu partout en Belgique et vous vous dites, que s'est-il passé ce 8 septembre ? Ah ben, je vais vous dire, pas grand-chose. Vous avez gratté les tiroirs de l'histoire. Ah, mais il y a une question que vous propose Laurent De Hossay, que vous retrouvez bien entendu tous les jours sur la première entre 13h30 et 14h30. Voici la question. Je suis à l'origine du premier baiser interracial en randonnée d'entreprise. De quoi parle-t-on ? Alors, bon amusement. La pub Benetton. Alors, non, c'est avec ça, un cheval. Non. C'est quoi la randonnée d'entreprise ? Ah ben ça, oui. Vous comprendrez quand je vous donnerai la réponse. Ouais. Au cinéma, je sais c'est qui, mais c'est qui ? Charlton Heston ? Non, mais c'est pas ça. Non. Alors là. Alors, je suis à l'origine du premier baiser interracial en randonnée d'entreprise. De quoi parle-t-on ? Tout le monde en parle en fait aujourd'hui aussi. Oui. Ouais, tout le monde. Mais de quoi parle-t-on de cet événement ? De cet événement. Ou de ce qu'il a généré ? Alors, pas de cet événement particulier, mais c'est de tout ce qui englobe l'endroit où on l'a vu en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, ouais. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Longtemps, longtemps. C'était il y a 50 ans. Le baiser de Douaneau ? Non. Moyennement interracial. Alors, mais bon, moyennement la première fois, je vais vous donner un indice, c'est la première fois qu'on voit ça aux États-Unis. Alors ça. Un homme blanc embrasser une femme noire. Et vous l'avez vu où ça ? Et tout le monde l'a vu parce que c'était pas qu'aux États-Unis. Tout le monde a eu l'occasion de le voir. Ouais. Ou beaucoup de gens en tout cas. Alors. Hein ? Ouais, quoi ? Star Trek. Ben oui, voilà, ah. Enfin, ben oui, clairement. Star Trek, c'est quoi ? L'Enterprise. Ah, avec, comment elle s'appelait ? Trek, c'est quoi en anglais ? Randonnée. Ben oui, Enterprise. Ben voilà. Ouais, ben. Effectivement, ouais. Star Trek, c'est un 8 septembre 1966 sur NBC que la série a démarré. Elle ne devait durer que 3 saisons. Finalement, 725 épisodes et 13 longs métrages, dont 3 réalisés par J.J. Abrams. Le dernier, vous l'avez certainement vu au cinéma, Sans Limite, un carton cet été. Star Trek qui a brisé plusieurs tabous. Donc, on en a parlé lorsque la comédienne Mitchell Nichols a voulu quitter la série. Il y a Martin Luther King de son a dit non. L'a convaincu de l'importance culturelle de son personnage. Il a dit restez. Enfin, en même temps, Kirk qui se tapait tout ce qui bougeait en gros sur les planètes. Mais voilà, en tout cas. Alors, il y a eu pas mal d'inventions dépeintes par Star Trek qui ont influencé la réalité. Le téléphone portable. Oui. Ah ben, c'est la première fois qu'on l'a vu, c'était dans Star Trek. Docteur Martin Cooper s'est inspiré du fameux communicateur pour créer le téléphone portable. Et c'est pas une la fusée également. Une fusée, suite aux pressions des fans, eh bien, qui ont envoyé plus de 200 000 lettres à la NASA, la première navette spatiale américaine a été baptisée Enterprise. Et elle devait, à la base, se nommer Constitution. Tiens, j'ai une phrase en vulcain. Essayez de me dire un petit peu ce que ça veut dire. Écoutez. nam torish pi ash no wasasu, masukro kaya na kumintra. Alors. T'es sûr que c'est pas, on ne s'est pas trompé que la phrase du Dalai Lama? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cochon? Non, c'est pas cochon. Aucun intérêt. Non, c'est pas cochon du tout. Pas du tout cochon. Au début, c'était un proverbe. Il y a la 3-14, mais alors, après, on peut réécouter, Réécoutons. Nam torish pi ash no wasasu, masukro kaya na kumintra. Voilà, alors, si un auditeur a la réponse, je suis certain qu'il y a un auditeur qui a la réponse, on va juste réécouter. Non, si, et qu'il n'a pas de vie. Ah, attendez, c'est une phrase. Si un auditeur parle vulcain, c'est qu'on les écoute sur une autre planète. Alors, il faut savoir que le vulcain est une langue parlée déjà, mon cher ami. Comme le klingon. Ah oui, c'est parlé un peu partout dans le monde. D'ailleurs, il y a des communautés de vulcanoïdes qui nous écoutent, qui podcastent l'émission. C'est d'ailleurs essentiellement elles. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer la réponse. On réécoute. Nam torish pi ash no wasasu, masukro kaya na kumintra. C'est du vulcain. Je vous donne la réponse à 17h30 si personne, en tout cas vous qui êtes de l'autre côté de la radio, n'avez pas trouvé. En tout cas ici, il sèche. Oui, il sèche. Et alors, dernière petite chose, je me suis rendu compte qu'en écoutant le générique de Star Trek, il y avait un petit rapprochement avec un autre générique bien connu, celui d'E.T. Écoutez d'abord le générique de Star Trek, c'est parti. Et attention, voici E.T. Il y a un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Alors attention, on se le remet juste pour la forme. Attention, voici Star Trek. Et attention, voici E.T. Il y a un petit quelque chose. Parce qu'on a un peu mélangé les notes. Il y a un petit quelque chose. En tout cas, bon anniversaire à Spock et à toute sa bande. On les embrasse. Je vous ai dit plein de fois. Tiens, dans la suite justement, ça tombe bien, Edgar, avant de vous écouter, on va s'écouter un petit Chuck Berry. Wow. Petit morceau de rock. On va se déhancher. Johnny B. Good. Hein, Raoul? Oui, j'adore, c'est mon époque. Ah! Eh bien, restez avec nous. Dans la suite, on va s'intéresser à Etias. Toute l'actualité est revue et corrigée presque sérieusement. C'est presque sérieux sur la première. Oh! Deep down in Louisiana, across to New Orleans. Way back up in the woods among the evergreens. There stood a log cabin made of earth and wood. Where lived a country boy named Johnny B. Good. Who never ever learned to read or write so well. But he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Morceau de 1958, Chuck Berry, Johnny B. Good sur la première. C'est presque sérieux sur la première. Et on continue à s'intéresser à l'actualité avec cette fois-ci Edgar Schotz. On l'a appris dans la presse, forcément, le CEO d'ETS, Bernard Thiry, annonçait sa démission ce mardi. Et depuis lors, de nombreuses rumeurs font état d'un possible rachat de la compagnie d'assurance par Belfius. Alors Edgar, vous allez déployer tous vos talents d'économiste pour tenter de nous expliquer cette fameuse situation. Oui, enfin, vous êtes gentil, vous, mais pour essayer de comprendre quelque chose à Etias, c'est pas un économiste qu'il vous faut, c'est plutôt la FBI, le FBI, ou au moins un juge d'instruction, parce que demander à un économiste d'expliquer Etias, c'est un peu comme proposer à Mère Teresa de donner un cours sur la contraception. Enfin, dans les deux cas, le message sera sans doute à peu près le même, à savoir qu'on aurait mieux fait de s'abstenir. Et précisément, s'abstenir, c'est quelque chose que les cadres d'Etias n'ont pas toujours fait. Par exemple, vous connaissez le Pergolagate? Pergola? Non. Ça s'est passé un restaurant tout près de chez moi. Mais... Allez, je m'en vais vous l'expliquer. Ah oui. Lors d'intempéries en 2010, un arbre du jardin de Stéphane Moreau est déraciné et vient finir sa course dans la véranda d'un voisin. Seul hic, le dit Stéphane Moreau, bourgmestre de Anse, hein, comme vous savez, patron de Tecteo et donc de vous. Et grand ami de Mato. Absolument, absolument. Stéphane Moreau n'est pas assuré contre ce type de dommage. Bref, les 53 000 euros de dégâts sont à sa charge. Vous allez me dire, 53 000 euros pour Stéphane Moreau, c'est à peu près la valeur de son 4 heures. Eh bien, justement, Stéphane, il n'aime pas qu'on lui pique son 4 heures. Il n'est pas assuré qu'à cela ne tienne. À quoi, après tout, servent les amis, sinon à faire des petits arrangements. Etias et Stéphane s'arrangeront donc pour antidater un contrat et faire payer les 10-53 000 euros par la compagnie d'assurance et fêter tout ça autour d'un bon goûter. Alors, depuis lors, je vous avoue que chaque fois que j'entends qu'Etias propose des assurances Omnium sans franchise, je comprends un peu mieux le sens du mot franchise. Et je comprends aussi un peu mieux pourquoi des personnalités aussi intègres que Laurent Louis, dont je précise qu'il n'est pas le frère de Barbara Louis, et Dieudonné, dont je précise qu'il n'est pas non plus le frère de Pierre Bourdieu. Pourquoi donc Laurent Louis et Dieudonné ont pensé à un moment se lancer dans le business des assurances, hein, avec leur projet d'ananassurance, vous vous souvenez ? Ouais, l'ananassurance, ouais. Qui visait sans doute à régler les quenelles de voisinage. Et puis je comprends mieux aussi ce nom étrange d'Etias. Et là je prie nos auditrices et auditeurs chéris de pardonner ma vulgarité, mais après tout c'est pas moi qui ai commencé. La seule conclusion en effet à laquelle je parviens, c'est que le nom d'Etias provient d'une élégante contraction des mots éthique et chiasse. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai si on le prononce à la liégeoise, hein. Ça doit donner alors quelque chose comme Etias. Ceci dit, évidemment, loin de moi l'idée de dire du mal de Stéphane Moreau, hein. C'est pas tant, comme vous pourriez le croire, que je tienne à la vie, mais tant qu'à faire, si c'est pour mourir par noyade, je préférais que ce soit dans ma piscine plutôt que dans le canal de Charleroi. Alors vous vous souvenez sûrement de la devise d'Etias qui a été maintes fois répétée au cours des passages pubs de la première. Etias, les efficacieurs. Ouais. Je me dis que peut-être Etias, les pergolassureurs, serait plus approprié. Mais ce n'est pas tout, puisque dans la foulée de la démission de Bernard Thiry, on apprenait qu'Etias avait échoué au stress test pratiqué par l'autorité de supervision européenne, qui est un peu le gendarme des marchés. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail en quoi consiste un stress test, mais en gros, il vous suffit à peu près d'imaginer à quoi ressemblera Corentin Candy ce 22 septembre, juste avant son 69. Juste avant son 69 minutes sans chichi. Pardon. Enfin, toujours est-il que des polices d'assurance qui sont sanctionnées par le gendarme du marché, ça la fout mal et comme dirait l'autre, ça nous ramène aux heures les plus sombres de notre histoire. Bref, je me demande s'il n'y a pas encore plus adéquat que les pergolassureurs, je sais pas moi, Etias les bécassureurs par exemple, ou alors Etias les jackassureurs. Ah, merci. Oui, mais attendez, il n'a pas donné sa démission, d'après ce que j'ai entendu. On il a été poussé à la donner. Bah, non, voilà. Officiellement, c'est une démission, mais on l'a encouragé. Mais on va apprendre très prochainement qu'il a été remercié avec un beau petit parachute. Stéphane Moreau et 8 autres personnes. Ne chargez pas ce monsieur. Allez, restons presque sérieux. On s'informe à 17h et on revient notamment avec le pendant ce temps-là. Et on a même appelé. On a tenté de comprendre pourquoi le gouvernement n'arrivait pas à joindre Caterpillar. Ah. Ah ouais. Et vous allez découvrir tout ça d'ici quelques minutes. Restez presque sérieux sur la première. C'est presque sérieux sur la première. Le beau vélo de Ravel en partenariat avec Engie Electrabel. Ancel, citoyen, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la Cité Ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout, citoyen. Le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3 000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes. Tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La première présente l'opening week-end de Flaget. Un week-end festif pour lancer la nouvelle saison. The Artist en ciné-concert par le Brussels Philharmonique et Ludovic Bourse. Hugues Daillet et Rudy Léonet avec leur critique en demande. Charlie Chaplin pour les jeunes fans de ciné. Et le Rock Touareg de Kélassou. Du 9 au 11 septembre à Flaget. Flaget.be avec le Vif Express et le journal Le Soir. La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. La soirée sera encore des plus agréables. Cette nuit, les minima seront de 10 à 14 degrés. Puis demain, on retrouve beaucoup de soleil à nouveau. Quelques champs nuageux, mais inoffensifs. La masse d'air est un petit peu moins chaude qu'aujourd'hui. Les maxima iront de 20 à 24, voire 25 degrés. On s'attend à ce qu'il y ait un petit peu plus de nuages samedi en fin de journée et dimanche matin, mais cela ne devrait pas porter à conséquence. Température de 22 à 26 degrés samedi, 20 à 25 pour dimanche. Lundi, on a à nouveau de belles périodes ensoleillées et des températures qui remontent entre 23 et très localement 28 degrés. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. 17h. Votre journal, Diane Burguel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Nous engageons des poursuites contre Caterpillar si c'est nécessaire. Le Premier ministre a été très clair à la Chambre cet après-midi sur la riposte du gouvernement fédéral. Le droit au silence, Salah Abdeslam l'a utilisé une fois encore aujourd'hui devant les juges français. Les avocats du principal suspect des attentats de Paris ont pourtant bon espoir qu'il s'explique un jour devant les juges. Un point sur vos conditions de circulation avant de développer ces titres, et c'est avec Pierre Collard-Bovy. Oui, avec une circulation dense sur le rythme assez habituel et puis deux ralentissements dans les travaux, bien sûr, sur le chantier de Charente vers l'Allemagne. Vous perdez 45 minutes et vous perdez 30 minutes sur le clôturon 11 Namur-Arlon dans le chantier à hauteur d'Abbé-la-Neuve. À la Chambre cet après-midi, le Premier ministre s'est engagé à tout mettre en œuvre pour soutenir les travailleurs de Caterpillar, mais aussi les sous-traitants et les fournisseurs. Pour Charles Michel, la priorité absolue, c'est de maintenir une activité industrielle sur le site de Gosselies, le site qui doit fermer. Le Premier ministre a plaidé pour une union sacrée, Marie-Paul Jeunhomme. Charles Michel a levé un coin du voile cet après-midi sur ce qu'il appelle la riposte du gouvernement après l'annonce de la direction de Caterpillar. Une décision que je qualifie de brutale, une décision cruelle, une décision écœurante. Le gouvernement va mandater un cabinet d'avocats pour voir comment engager une action en responsabilité juridique pour faute dans le chef de la direction de l'entreprise. Nous ne permettrons pas l'impunité, affirme Charles Michel. Quant à un éventuel abaissement de l'âge de la prépension, comme le demandent les syndicats, ou une défiscalisation des primes de licenciement, le Premier ministre se retranche derrière les négociations à venir entre direction et syndicats. Il n'est pas question pour nous, aujourd'hui en tout cas, de donner un certain nombre d'indications qui faciliteraient la vie de Caterpillar en début de négociation pour déforcer la position des travailleurs. Le ministre de l'Emploi a lui rappelé que Caterpillar était déjà reconnu comme entreprise en restructuration depuis 2014. Le gouvernement wallon se prépare, lui, à rencontrer mercredi prochain la direction mondiale de Caterpillar. L'exécutif régional ne s'attend pas vraiment à convaincre le géant américain de revenir sur sa décision de fermer le site de Gosselies. Le gouvernement cherche toutes les alternatives possibles pour maintenir l'activité. Il a d'ailleurs mis sur pied un groupe de travail avec les syndicats et le comité de développement stratégique de Charleroi. Le silence comme seule réponse. Salah Abdeslam refuse de sortir de son mutisme. Le principal suspect des attentats du 13 novembre à Paris a été auditionné pendant 1h30 par le juge d'instruction français. Et il était assisté de son avocat, Franck Berton. Mais Sven Marie, son avocat belge, était également présent. Il avait fait le déplacement, Patrick Michel. Sven Marie s'est présenté vers 10h30 au palais de justice et malgré les sollicitations des journalistes, eh bien ses paroles sur les raisons de sa présence tiennent en quelques secondes. Je suis là pour l'interrogatoire. Voilà. Je ne fais pas de commentaire maintenant. Est-ce que vous serez encore l'avocat de Salah Abdeslam à la sortie? On verra. Les deux avocats ont ensuite rejoint leur client chez le juge, une entrevue qui a duré un peu moins d'1h30. Le juge a posé toutes les questions qu'il souhaitait poser, mais à chaque fois, Salah Abdeslam a fait valoir son droit au silence. Un droit dont son client a le droit d'user, a rappelé Franck Berton. Mais pour lui, la situation doit évoluer. Ça fait donc deux fois qu'il garde le silence, qu'il ne parle pas, parce qu'il exerce ce qu'on appelle son droit au silence. On n'a pas à juger de savoir si il a raison ou pas raison. Tout ce qu'on peut, c'est le conseiller en lui disant non, il serait plus intéressant la défense de son dossier, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse dire ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, il n'y a pas de doute. Il est important, parce qu'il l'avait dit, qu'il s'exprime. Il ne l'a pas choisi pour l'instant, il ne le souhaite pas. On espère qu'il le fera. Salah Abdeslam se plaint toujours de ses conditions particulières de détention, mais elles ne changeront pas. Tous les recours qu'il a déposés à ce sujet ont été rejetés. Salah Abdeslam est détenu à l'isolement et sous surveillance permanente à la prison de Fleury-Mérogis en France. Plus de 313 000 contrôles d'alcoolémie ont été effectués cet été dans le cadre de la campagne Bob. 3,1% des conducteurs étaient en infraction, un chiffre en baisse par rapport à l'été dernier. Les conducteurs prennent de plus en plus conscience des dangers que comporte la conduite sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, se félicite l'Institut belge pour la sécurité routière. La prochaine campagne Bob est déjà fixée. Elle se déroulera du 25 novembre au 30 janvier 2017. Dans le bouddhisme tibétain, il représente l'autorité suprême, la sagesse et la sérénité aussi. Le Dalai Lama est à Bruxelles en ce moment. C'est une étape d'un cycle de conférences en Europe et il a accordé un entretien exclusif à la RTBF. Il y évoque sans tabou les religions, le sort des réfugiés ou encore les attentats en Europe. François Mazur a pu le rencontrer et entre autres questions, il lui a demandé s'il était favorable à l'accession des femmes au pouvoir. Vous avez dit que le prochain Dalai Lama pourrait peut-être être une femme, car les femmes ont plus de pouvoir. Vous pensez la même chose pour tous les leaders dans le monde et donc peut-être les États-Unis ? Aujourd'hui, il y a 200 nations différentes. Si la majorité des leaders de ce monde étaient des femmes, il y aurait moins de problèmes, moins de massacres. Car biologiquement, et ce sont les scientifiques qui le disent, les femmes ont plus de sensibilité et de compassion. C'est biologique, car les mères, ce sont des femmes. Et vous pourrez entendre l'intégralité de cet entretien avec le Dalai Lama dans 7 à la Une en télévision ce samedi à 18h30. François Hollande a prononcé ce matin un discours sur la démocratie face au terrorisme à Paris. Son allocution a également été l'occasion pour le président de préciser ses intentions pour la présidentielle de 2017. Dans un contexte de surenchère où les thèmes de l'identité et de l'immigration sont au cœur des débats, le chef de l'État s'est posé en défenseur de l'état de droit face au terrorisme dans un discours accents de lancement de campagne. Et au sujet des élections, cette question. Si le vote n'était plus obligatoire en Belgique, iriez-vous quand même voter ? Êtes-vous tout d'abord partisan ou pas de ce vote obligatoire ? À la demande de la RTBF et de la Libre, l'Institut Dedicated a tenu à savoir ce que vous en pensiez. Philippe Falkoviak, vous avez parcouru pour nous ce sondage et il apparaît que pratiquement la moitié des Belges souhaitent que le vote ne soit donc plus obligatoire chez nous. Oui, en effet. Et ce sentiment est d'ailleurs plus fort en Flandre qu'à Bruxelles ou qu'en Wallonie. Les électeurs restent toutefois très partagés sur la question. En Wallonie, c'est au MR et au PTB que l'on retrouve le plus de partisans de la suppression de ce droit de vote obligatoire. À l'inverse, les électeurs du PS et du CDH restent très majoritairement en faveur d'un vote obligatoire. Mais la question que finalement les états-majors des partis se posent surtout, c'est est-ce que l'hypothétique suppression de l'obligation de voter pourrait changer le résultat des élections ? En clair, Philippe, un vote pas obligatoire favoriserait-il un parti plutôt qu'un autre ? Eh bien, il faut rappeler tout d'abord que chaque élection est particulière, mais selon notre enquête, 2/3 des gens seulement iraient encore voter. En Wallonie, ce sont les électeurs du MR qui se mobiliseraient le plus, au point que les libéraux auraient ainsi un peu plus de chances de devancer le Parti Socialiste. Mais c'est le PTB qui aurait le plus à perdre. De même, en Flandre, c'est le Vlaams Belang qui en souffrirait le plus. Le vote obligatoire semble surtout profiter donc aux extrêmes qui attirent les déçus des partis traditionnels, semble-t-il. À Bruxelles, par contre, c'est le Parti Socialiste qui pâtirait le plus d'une suppression de l'obligation de voter. Et on notera encore que ce sondage a été réalisé du 2 au 6 septembre auprès d'un échantillon représentatif de 2881 électeurs par l'Institut Dedicated. La marge d'erreur maximale est de 3,2%. Très belle fin de journée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Entrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. 17h08 sur la première, c'est évidemment presque sérieux. Merci Diane, retournons l'information tout à l'heure à 17h30, soir première. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux. Avec Walid. Vous profitez du soleil et vous êtes comme nos chroniqueurs du jour, presque sérieux. Vous avez fait le bon choix. Merci en tout cas à vous d'être présents tous les jours de la semaine durant une heure et demie où nous relatons ensemble l'actualité avec un regard différent, un regard impertinent, décalé, léger. En tout cas, de la bonne humeur. C'est ce que respire cette émission avec Corentin Candy. Bonjour. Hello, comment ça va? Tout à l'heure, on a eu droit au Marseillais. Maintenant, c'est l'Américain. Ah, c'est le festival aujourd'hui, Corentin Candy. Ouais. Il y a Raoul Reyers avec nous également. Et oui, je suis là, moi. Et il est là, Raoul. Il y a également Luc Tambor. Bonjour Luc. Oui, bonjour. Et Edgar Schotz, bonjour. Dzień dobry. Et puis Manu Di Pietro. How do you do, Walid? Fine, my friend. So, are you talking about what in a few minutes? About Eric Zemmour and the censorship. Beautiful. Bon, on s'intéresse donc à toute l'actualité, rien que l'actualité. Justement, un titre que nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui, il s'agit de Donald Trump. C'est presque sérieux. C'est la première. Donald Trump qui a affirmé hier que s'il accédait à la Maison-Blanche, eh bien, il ordonnerait à l'armée américaine de lui présenter dans les 30 premiers jours de son investiture, de sa présidence, eh bien, un plan pour vaincre le groupe État islamique. Il déclare, cela voudra dire une guerre classique, mais aussi une guerre sur Internet, une guerre financière et une guerre idéologique. Il a évoqué une armée forte de 540 000 soldats, d'au moins 1 200 avions de combat, de 36 bataillons de marine et 350 navires et sous-marins. Tant qu'on a l'argent, on y va à fond. Trump qui veut donc un plan pour vaincre l'État islamique dans les 30 premiers jours de sa présidence. Raoul Reyers. J'ai un titre anglais que j'ai repris de la presse américaine. Dites-moi. Donald will full desktop its motherfuckers jihadists. C'est pas mal, c'est un produit bien sûr qu'on met dans les toilettes. Non, mais c'est un mot anglais qui veut dire déboucher, détruire. On va demander à Corentin Candy. Alors Corentin Candy, Donald Trump qui veut un plan donc pour vaincre Daesh dans les 30 premiers jours de sa présidence. Ah oui, c'est super. Ah voilà, vous avez le titre, c'est super. Voilà. 30 jours sinon rien. C'est pas mal ça. J'ai une petite absence, j'ai l'impression. Ouais, vous allez en avoir longtemps, je crois. On va demander à Manu Di Pietro, Trump qui veut un plan donc pour vaincre Daesh dans les 30 premiers jours de sa présidence. Oui, tout à fait. Alors, Trump évoque l'agent orange pour vaincre Daesh, la CIA le largue au-dessus de la Syrie. C'est beau, j'imagine le truc. Petite erreur de traduction. Oui. On va demander à Luc Tambor. Alors, à la défense américaine, un président, ça Trump énormément. Ah, classique. Classique oui. Parmi les classiques. Hein. Et enfin, Edgar Schotz, Donald Trump, qui souhaiterait donc vaincre Daesh dans les 30 premiers jours de sa présidence, s'il est élu. T'arrives pas à battre Clinton et t'espères battre Daesh. Ça c'est beau. Je note. Il fait un peu l'instituteur. Mais non, mais s'il est président, c'est qu'il a battu Clinton. Non, je suis désolé. Bon, en attendant. Alors, on avait dit de plus dire État islamique. Oui, mais j'ai dit Daesh, monsieur. Non, vous avez dit au moins 6 fois État islamique. Non, j'ai commencé par État islamique d'abord et puis j'ai fini par Daesh. On peut réécouter la bande. Je m'en suis rendu compte à un moment. Donc j'ai dit Daesh au moins, je ne sais pas combien de fois. En attendant, et avant de découvrir notre presque star du jour, le et pendant ce temps-là, avec à l'intérieur une réponse à la question de savoir comment et surtout pourquoi le gouvernement n'arrive pas à joindre Caterpillar aux États-Unis. C'est parti. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là, la Flandre accorde son feu vert à l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite. Oui, et comme dirait Jean Quatremer, pour en trouver facilement, rendez-vous à 200 mètres de la Grand Place. Et pendant ce temps-là, Paralympique à Rio. Laissez-moi vous présenter le 100 mètres haies chaise roulante. Aïe. Et pendant ce temps-là, Apple lance son nouvel iPhone, Raoul. Voilà, c'est fait. Et pendant ce... Que se passe-t-il ? Oh, rien de grave, Walid. C'est François Hollande qui vient encore de chuter dans les sondages. Et pendant ce temps-là, malgré l'insulte, Barack Obama rencontre le président philippin. How are you, son of a bitch ? Et pendant ce temps-là, le gouvernement tente en vain de joindre Caterpillar. Bonsoir, Patrick. Oui, bonjour, monsieur. Je souhaiterais parler à Kader, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes trompé de numéro. Vous êtes dans un bureau d'architecture ici. Je suis bien chez Monsieur Pilar. Monsieur Pilar, non. Vous êtes chez la société Pilar aussi, mais pas chez Monsieur Pilar. Je peux parler à Kader, là? Mais non, il n'y a pas de Kader qui travaille ici. Kader Pilar. Non, il n'y a pas de Kader Pilar ici. Ah, ok, merci bien. Ok, au revoir. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Et voilà. Moi, il y en avait encore qu'on n'avait pas trouvé. Eh bien, sors de ce corps, François Piret. Et à un moment donné, on a des réponses à nos questions. On se demande pourquoi on n'arrive pas à les joindre. Eh bien, maintenant, il faut quand même bien prononcer Caterpillar. En attendant, une presque star. Et il est avec nous. Il s'appelle Fabrizio. Bonjour, Fabrizio. Bonjour. Vous allez bien? Mais fort bien, très bien. Enjoué, en tout cas, c'est certain. Surmené. Alors, surmené, pourquoi? On va le découvrir dans un instant. Le temps pour nos chroniqueurs du jour de me poser une série de questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. 1 minute 30 pour découvrir la raison pour laquelle Fabrizio fait parler de lui dans la presse. C'est parti. Est-ce qu'il est connu en dehors de ce pourquoi vous l'appelez aujourd'hui? Beaucoup le connaissent, oui. Par sa famille, quoi. Non, les gens peuvent le connaître. Ouais. Donc, il est un peu énervé. Il est overbooké, c'est ça? Overbooké. Il revient de Bolivie. C'est Fabrizio qui a fait les 1500 pizzas que le pape dit avoir donné pour les gens qui ont pour les SDF, non? Non, c'est pas Fabrizio. Non, il est facteur, je ne sais plus où le courrier va être distribué et il a une camionnette entière de courrier à distribuer. Non, c'est pas lui, non. Il a créé quelque chose, il est à la base en tout cas de quelque chose, effectivement. C'est citoyen, non. C'est artistique, oui. Fabrizio Rongione. C'était pas sa voix. Non. Ça a un rapport avec le vin ou... Ça a un rapport avec le vin, non, pas du tout, mais je vous propose un indice que voici. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Les scaphandriers. Non. Qu'est-ce que vous entendez comme bruit? Des bruits de... Bulles. Ok. Mais si je dis bulles, vous pensez à quoi? Champagne. Oui, bah ça, c'est, on sent les alcooliques qui sommeillent en vous. Éleveur de poissons rouges. Éleveur de poissons rouges, non, mais vous dites... Phylactère, bande dessinée. Alors oui, bande dessinée. Que se passe-t-il autour de la bande dessinée? Est-ce que vous avez lu une info dans la presse qui parle de bande dessinée? Alors, la semaine dernière, c'était la fête de la BD à Bruxelles. Que va-t-il se passer prochainement en Belgique autour de la bande dessinée? Un attentat. Un cocktail. Un cocktail bande dessinée, non. C'est un anniversaire? Liège. Un anniversaire, non. Liège. Une expo? Et 9, 10 et 11 septembre. Une expo n'est pas très loin. Salon. Une foire. Une fête. Eh bien, le premier festival international de la bande dessinée de Liège à l'usine à bulles Fabrizio Borini, liégeois et dessinateur de BD. C'est pour ça qu'on le disait. Il y a beaucoup qui peuvent le connaître, mais aussi peintre, coordinateur donc général de l'usine à bulles, ce premier festival international de la bande dessinée à Liège. Parlez-nous un petit peu de ce festival, ce premier du nom, mon cher Fabrizio. Mais ceci dit, je n'étais pas loin, j'ai failli être livreur de pizza. C'est 9, voilà, 10 et 11 septembre du côté oui. de la cité du Miroir, donc à Sauvenir, place Xavier Neujean, il y a donc ce premier festival international, la bande dessinée. Exactement, c'est le premier festival international de Liège qui s'appelle donc l'usine à bulles. Mmh. Une usine à rêve, une usine à création. Ça faisait des années qu'on se demandait pourquoi il n'y avait pas de festival à Liège. Et nous, auteurs de BD, on s'est emparé de ce vide pour en faire quelque chose de, à mon avis, assez bien rempli, plein d'émotions et de possibles. Alors, quelle est la différence entre la fête de la bande dessinée à Bruxelles et ce festival de la bande dessinée, festival international? Oh bah parce que nous sommes infiniment plus intéressants et meilleurs, bien évidemment. Non, le Visit Bruxelles, c'est la fête de la BD, ce sont nos copains. C'est très différent. Je le répète, on remplit un vide sur Liège. Liège est un vivier aussi d'auteurs. Et puis nous, puisqu'il y a cette place à prendre, on va bousculer certains codes. C'est vrai, il n'y a pas de festival de bande dessinée sans la présence des auteurs et sans la présence des demandeurs de dédicaces. Ce sont des rencontres, mais qui sont souvent, voilà, je trouve ça un peu lourd. Il fallait changer, bousculer les codes. Et donc, nous avons décidé de créer des espaces sensoriels. En tout cas, en ce qui concerne la dédicace, donc on met en place une immense black box avec des projections vidéo mapping du son anecdotique, un climat très très feutré qui permettra la rencontre inédite entre les auteurs, il y en a 80 ceci dit, et le demandeur de dédicace, et même celui qui n'est pas spécialement amateur ou fan de BD ou collectionneur, il trouvera son compte, car dès qu'on franchira les portes de la cité Miroir, ce sublime bâtiment qui deviendra pour la circonstance l'usine à bulles, on invite le public, le visiteur, à un voyage. Il y aura toute une série de choses à voir, des laboratoires, des expériences, des passerelles que nous créons entre la bande dessinée et les autres formes d'art narratif, le cinéma, l'oralité, le théâtre. Ah ben, c'est pas Eddie Kakelberg, non. Il y aura Dany notamment qu'on a déjà reçu, il y aura Fred Jana entre autres, en tout cas pas mal de grands noms de la bande dessinée. Un premier festival international de la bande dessinée du côté de Liège, les 9, 10 et 11 septembre, à ne pas louper. On mettra d'ailleurs toutes les informations pour en savoir plus sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux et sur le site de la première. Merci à vous Fabrizio, et puis on va vous laisser retourner à vos occupations puisque ça démarre très bientôt là. Ah oui, là on est en plein montage, nous sommes avec les régisseurs, les fourmis s'activent, c'est la folie. Mais c'est l'aboutissement d'un rêve. Merci d'avoir On viendra vous voir et continuer à rêver avec vous autour de la bande dessinée. Dans la suite, on s'intéresse à l'actualité avec cette fois-ci Manu Di Pietro. Oui. Manu, vous avez décidé de nous parler d'Éric Zemmour. Éric Zemmour oublie censure, qui sait. Ah bah c'est parti. Alors Patrick, il a nonobstant là. Quand il a nonobstant. C'est qu'il a déjà payé, hein? Non, mon avis, oui. T'as déjà payé. Salut mon chéri, t'as pu faire les courses pour ce soir? Oups, les courses. Oh non, ne me dis pas que t'as oublié mon dîner fille, les nems en entrée, le poulet tikka masala. Mais non, t'inquiète, je file au Deli Traiteur. Je te prends aussi du chardonnay et des petites olives pour l'apéro. T'es un amour. Et vous faites comment? Deli Traiteur. Flagrant délit de plaisir. Ouvert jusqu'à 22h, 365 jours par an. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Bon, vous êtes prêts? Les pianos droits à queue et digitaux? Les pianos neufs et d'occasion? Les prises imbattables? Eh ben c'est parti pour la valse des portes ouvertes des pianomanes! Portes ouvertes en septembre, facilité de paiement, leasing et location. Les pianomanes Bruxelles, près de la gare du Midi et sur maene.be. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199€. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est froid ça! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur vousmobile.be. Et il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. La première. Mobile Info. 17h21, retrouvons Pierre Collard-Bovy. Pierre, est-ce que ça roule? Bah écoutez, ça roule avec la difficulté inhérente à l'heure, évidemment, notamment sur le ring de Bruxelles, puisque vous mettez 17 minutes supplémentaires pour l'extérieur Saint-Vintem Grand Bigard, plus 17 également pour l'intérieur Saint-Vintem Carrefour Léonard, plus 12 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Saint-Vintem. Circulation dense, donc, mais tout à fait habituelle, et voire même un petit peu moins. Peut-être, en tout cas, on ne va pas comparer. Terminé pour l'accident sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Berthem, la chaussée est dégagée, il faut que les fils se résorbent maintenant, puisqu'il y a quand même toujours des ralentissements en direction de Liège, et ce depuis Voluwe-Saint-Étienne. Accident toujours en cours sur le 40 Gand au stand à hauteur de Neveleu. La bande droite est neutralisée. Il y a toujours un petit quart d'heure perdu en direction de la côte. Ralentissement, je vous ai parlé des travaux sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Nîmes-Mézières en direction de Valenciennes. Vous perdez encore 10 minutes dans cet incident. Et puis au poste frontière, 30 minutes perdues sur le 17 Gand-Lille à une file à partir de Albeek. À hauteur de Charente, maintenant sur le 40 et Bruxelles-Aix-la-Chapelle, vous perdez 55 minutes maintenant vers l'Allemagne entre Votem et Charente et quelques ralentissements également à partir de Barchon vers Bruxelles sur le 411 Namur-Arlon à hauteur d'Abbé-le-Neuve. Un autre chantier vous fait perdre 25 minutes et notez cet autocar en panne sur le ring 9 de Charleroi à hauteur de la porte de la Villette. Une bande de circulation est neutralisée et il y a formation de fil. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça ! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. 17h30, l'information signée Arnaud Reussen pour Soir Première. D'ici là, décortiquons justement cette actualité avec celui qui m'a fait aimer RTL, Éric Zemmour. Je ne savais pas si vous alliez le dire. Il s'est retrouvé bien feinté dans l'émission C'est à vous. Sa chronique préférée sur Molenbeek a disparu de son recueil alors qu'il avait tout bien relu. C'est vrai, hein, c'est vraiment ballot ça. Alors à mon avis, il n'avait pas assez payé son édition à compte d'auteur, n'est-ce pas mon cher Manu Di Pietro? Mais oui, déjà bonjour à toutes et tous. Censure, tout le monde a le mot à la bouche de nos jours. Et surtout donc Éric Zemmour, le jumeau issu du même cloaque qu'Alain de Stex, bronzé de la capitale française, qui a peiné à retrouver une chronique dans son propre livre. Bon alors, peut-être une censure, c'est peut-être Nicolas Sarkozy qui l'a fait censurer, parce que pour le moment, niveau censure, Nicolas Sarkozy, il se pose là, notamment avec son coup de téléphone à France 2 pour ne pas diffuser un reportage sur les financements occultes de son parti. Allez Walid, en piste. Oui allô, France Télévisions, c'est le président Sarkozy. Oui mais si j'ai envie de dire président, je dis président. Oui, le reportage sur Big Malion. Non mais ça n'intéresse personne, ces vieilles histoires, ça n'intéresse personne. Non, passez plutôt le feuilleton belge là, celui avec des alcooliques pas beaux, qui forniquent dans les bois. La trappiste, la trempe, la quoi ? La trêve. Ah ouais, voilà. Non, personne ne la regarde. Mais au moins, je suis pas dedans. Hein ? Voilà. Allez, en vous remerciant. Au revoir. Merci Walid. C'était très bon. Dirait le vrai. Hein. J'en prie. Ou alors, c'est la faute de Michel Rocard. Et il avait mis ça comme dernière volonté, hein, alibi à Cahuzac et censurer Zemmour. Ah, je peux faire Rocard si vous voulez. C'était très bien aussi. En France, Michel Rocard, on est en train de lui trouver des casseroles comme c'est pas permis. On dirait des albums BD de Martine. Hein. Michel Rocard, le plus grand collabo de France. Michel Rocard, assassin du petit Grégory. Michel Rocard, socialiste. Ah oui, là, on ne lui a jamais pardonné, par contre. Si on pouvait demander aux Français si Michel Rocard, il n'était pas en Belgique au moment du meurtre d'André Coles, hein, ou bien quand la Carolo faisait ses petites affaires. Et donc, Éric Zemmour s'est retrouvé comme un con à chercher sa chronique disparue en plein direct à la télé. Et c'est con parce que c'est celle, justement, où il disait qu'il fallait bombarder Molenbeek. Alors, Éric Zemmour, vous n'avez pas trouvé, vous ne trouverez écoutez, pas je vous remercie ces chroniques. Parce qu'on va le rajouter derrière une boutade. Je voulais signifier que le problème n'était pas là-bas, mais chez nous. Mais c'est oui, voilà. Et j'essaye de m'en tirer avec une explication toute moisie, comme mes idées. Sauf que... Et Barbarin, pourquoi et Barbarin. Selon vous Barbarin. Ah, Barbarin. Pourquoi il n'y est pas non plus? Non. Non. Vous l'avez relu vraiment? Promis. Ah oui. Oui, mais non, mais on a bien compris, Eric, tu t'es fait gauler deux fois et tu essayes de rejeter ça sur ton éditeur, pas de souci. Mais j'ai tout relu, je vous jure, dit-il. Ça veut dire qu'il tente même une défense de type « mon chien l'a mangé » que plus personne n'ose depuis 1987. Zemmour, il a cette bonne tête du mec qui s'est fait tirer le slip du pantalon 10 fois par jour par des gars plus forts que lui dans sa classe, et ce au moins jusqu'à ses 32 ans. Mais là, le voir tout décontenancé en direct à la télé, ça m'a fait bizarre. Trahi par son éditeur, quoi. Et il a dit après, il y en avait plein d'autres des chroniques qui n'ont pas été publiées. C'est tout de même un monde, ça lui apprendra à publier à compte d'auteur, tu te fais toujours avoir. Il y avait pourtant cette belle ode à l'équipe de France de football, 11 joueurs et pas un vrai Français. Ou encore cet hommage à François Hollande, qu'il avait sobrement intitulé « Pourquoi j'aime pas ce gros con ?» Et commentaire, cette fulgurance géopolitique, l'Europe, je lui fais caca dessus. Et enfin, cette absolue invitation à la découverte de l'autre, cette injonction à partir au-devant de l'étranger, de l'accueillir comme son égal, je cite « Moi raciste, allons donc, j'adore la bouillabaisse. » Bon, finalement, qu'on continue à lui retirer ses chroniques sans lui dire, à la fin, il finira peut-être bien par ne plus en écrire. Ah, Éric Zemmour. C'est vrai qu'il a tendance à... Manu Di Pietro. Oui, c'est Manu Di Pietro, effectivement. Merci Corentin Candide. Il avait l'air si triste dans cette émission. Pardon ? Il avait l'air si triste. Il a surtout changé. Mais oui, il a perdu du poids, j'ai l'impression. Oui, il a perdu affûté. Du poids. Je crois qu'il y a des soucis. Oui, il fait de la boxe. Ça va pas, ça ne va pas. En tout cas, mon laissez-moi terre chez Louis. Vous remercier comme il se doit pour avoir passé eh bien, cette heure et demie en votre compagnie. Nous serons de retour demain pour terminer la semaine en beauté avec d'autres actualités, d'autres sujets que nous mettrons et que nous jetterons en pâture. De l'impertinence, de la gaudriole. parler de la joie de vivre. Merci Manu Di Pietro. Merci à vous, dites. Merci Edgar Schott. Merci à vous. Merci Luc Tambeur. Avec grand plaisir. Merci Corentin Candé. Merci beaucoup Walid. Merci Raoul Reyes. Merci Walid. Émission à retrouver bien entendu en la podcastant sur le rtbf.be/ovio ou sur la page Facebook. On vous invite d'ailleurs toujours à repartir avec des cadeaux aux couleurs de Time's Up. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Demain à 16h, on sera de retour et d'ici quelques secondes, eh bien, c'est notre cher Arnaud Ruysen pour Soir Première. À demain. Ça se passe sur la Première. Tout à l'heure, à 20h, Le Monde est un village. Session acoustique ce soir dans Le Monde est un village avec un musicien brésilien. Il s'appelle Ney Zikma. Il nous rejoindra avec instrument et son frère qui fait pour la toute première fois un voyage en Belgique. Un duo étonnant à découvrir ce soir dans Le Monde est un village. C'est dès 20h. À tout à l'heure. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur la Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Chaque idée de business, ING a une idée de financement. Créer une coque pour smartphone avec un baffle intégré. Un baffle intégré qui transforme le son en énergie pour recharger le smartphone. Vous avez des idées pour lancer votre business? Découvrez nos solutions de financement innovantes sur ing.be/financement. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. La province de Liège, la Une et la Première présente Debout Citoyens. Rendez-vous le samedi 10 septembre, place Saint-Lambert. Au programme, le beau vélo de Ravel, concert gratuit d'Alice on the Roof, de Suarez et de l'Opéra Royal de Wallonie au grand complet. Rassemblons-nous pour vivre un